Il y a longtemps, très longtemps, dans un lointain pays d'Afrique, vivait un sorcier maléfique qu'on appelait Mazir. Non seulement Mazir adore faire le mal, mais il est très doué. Transformation, métamorphose, immobilisation, il sait tout faire. Depuis plusieurs années, il cherche une lampe magique qui, d'après ce qu'on lui a raconté, pourrait le rendre extrêmement riche et terriblement puissant. Une nuit, il voit apparaître en rêve la silhouette d'un jeune homme. Ses pieds sont nus, sa chemise trouée. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille ? Pourquoi le destin me montre-t-il un petit vaurien sans chaussures ? Murmure-t-il dans son sommeil. Quelques secondes plus tard, la vision se transforme. Une caverne apparaît sous la terre. Ses portes s'ouvrent. Elle dévoile des montagnes d'or. Et au milieu de tout ça, la fameuse lampe magique. Mazir se réveille en sursaut. Ce jeune homme me permettra de mettre la main sur la lampe. Puis il rit. Il rit. Il rit très fort. Non, encore plus fort. Oui, comme ça. Jusqu'à faire trembler les murs de son palais. Car c'est ainsi, toujours, que rient les affreux ensorceleurs. Puis il file, grâce à l'un de ses fabuleux tours, dans le pays du jeune homme. Il habite un grand royaume aux portes de la Chine. Qui veut mes pastèques, mes pamplemousses, mes abricots ? Il est frais mon poisson, poisson frais, sardines, morue, il est bon mon poisson ! Le soleil tape fort sur le grand marché d'Al-Qadas. À droite, à gauche, on se presse devant les étals. On tâte les fruits, les poissons, les légumes. Ils sont bien juteux, bien mûrs, allez-y, venez ! Morue, il est bon mon poisson ! Soudain, au milieu de la foule, surgit une bande de jeunes garçons qui bondissent en dérobant quelques pains. Quand les ventres gargouillent, ma foi, il faut bien les remplir. Hé, Aladdin, attrape ! Le jeune homme lève les yeux. Un énorme sac de noix est en train de voler dans sa direction. Aladdin le saisit d'une seule main, puis il se met à courir, à toute vitesse. Au voleur ! Au voleur ! Mon sac de noix ! Aladdin se faufile entre les étals. Sacripant, reviens ici ! Au voleur ! Au voleur ! Au voleur ! Enfin, il s'engouffre dans une petite ruelle sombre. Il se retourne. Oh ! Ouf ! Ça y est, il a semé le marchand qui le poursuivait. Hé, petit ! Glisse tout à coup une voix d'homme, dans la pénombre. Approche ! Intrigué, Aladdin fait quelques pas dans sa direction. Serais-tu le fils du tailleur Mustapha ? Oui, mais il est mort il y a quelques années. Aussitôt, l'homme le prend dans ses bras en pleurant comme une fontaine. Oh, oui, plutôt 10 fontaines. Mon neveu, comme je suis triste. De retour au pays après 40 ans, j'apprends que mon frère chéri est mort. Aladdin, surpris, ne sait pas trop quoi dire. L'homme reprend de plus belle. Bon. Je gagne au moins un neveu dans l'affaire. À ce que je vois, ta mère et toi êtes loin de rouler sur l'or. Laisse-moi vous aider. La famille, c'est si important. Retrouve-moi ici demain, après le coucher du soleil. Puis il s'en va, en laissant échapper, tiens, tiens, un petit rire. Maléfique. Mais, j'avais dit petit, Mazir. Oh, ça va. Le lendemain, Aladdin se présente au rendez-vous. Dans le silence imposé par la nuit, les deux hommes prennent la direction du désert. Oh, putain. Oh, la route est longue. Enfin, Mazir fait signe de s'arrêter. Tu es sur le point d'en avoir plein les yeux, mon neveu. Mais d'abord, rassemble des brindilles pour faire un grand feu. Piqué par sa curiosité, Aladdin obéit. Lorsque les flammes sont assez hautes, le magicien y jette une potion. Très odorante. Et tandis qu'il marmonne d'étranges formules magiques, une fumée noire s'élève dans le ciel. Aladdin regarde son oncle avec des yeux de merlan frit. Qu'est-ce que vous faites déjà comme métier ? La terre, soudain, se met à trembler. Elle s'ouvre. Apparaît alors un immense escalier. Écoute-moi bien, Aladdin. Il y a sous nos pieds un fabuleux trésor. Il est à toi. Mais avant, rapporte-moi une lampe. La nuit est si noire, on n'y voit rien. Et pour te protéger, glisse cet anneau à ton doigt. Maintenant, descends. Enivré par la promesse de toutes ses richesses, Aladdin, lentement, s'enfonce sous la terre. Arrivé tout en bas, il découvre un magnifique jardin qui le conduit à une grotte remplie d'or et de pierres précieuses. Waouh ! Par la barbe de ma grand-mère ! Waouh ! Émerveillé, il balaye du regard les émeraudes, les diamants, les rubis, lorsqu'il aperçoit là, tout au bout, une petite lampe. Aladdin s'en empare. Elle a la forme d'une théière, mais bon, ça fera l'affaire. Puis, il se dépêche de remonter à la surface. Parvenu presque tout en haut, il dérape, il glisse, vite ! Il tend sa main à son oncle pour se rattraper. Donne-moi d'abord la lampe, petit ! Aladdin, tout à coup très méfiant, refuse. Donne-moi la lampe ! Non ! Si ! Non ! Si ! Non ! Si ! Non ! Non ! Eh bien, c'est ce qu'on va boire. Mazir jette une nouvelle potion dans le feu. La terre, aussitôt, se met à trembler. Grouille, Aladdin, grouille ! Trop tard, le sol vient de se refermer. Mazir est rouge comme un piment. Ah ! Des années de recherche détruites par un petit insolent ! Ma petite lampe, elle était là ! Satané Aladdin, tu n'es pas prêt de revoir la lumière du jour. Puis, enveloppé dans un nuage de poussière magique, il retourne dans son palais d'Afrique. Pendant ce temps, Aladdin, enfermé sous la terre, tremble de peur. Le pauvre... Il perd un peu la boule. Il y a quelqu'un ? Y a personne ? Personne ! Vous connaissez l'histoire du stupide petit Aladdin qui, alléché par la promesse d'un peu d'or, s'est fait embobiner par un terrible magicien ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? L'anneau que lui a donné Mazir brille. Il chauffe, il siffle en laissant s'échapper une immense créature sacrément étrange. Je suis le génie de l'anneau. Vos vœux seront des ordres, maître. Génie, fais-moi sortir d'ici. Répond Aladdin du tac au tac. Il se retrouve immédiatement chez lui. Serré dans sa main gauche, il tient la lampe qui lui a causé tant de soucis. Tout ça pour ça ? Espérons au moins que je puisse en tirer un bon prix sur le marché, parce que là, bon... Aladdin, aussitôt, se met à l'astiquer. 3 secondes plus tard, une nouvelle créature apparaît. À votre écoute, maître. Je suis le génie de la lampe. Que puis-je pour vous ? Une lampe magique ! Deux génies ! Mais je suis le plus heureux des pommes, moi ! Enfin non, des hommes ! Je suis le plus heureux des hommes ! Aladdin est déjà en train d'imaginer tout ce qu'il va pouvoir lui demander. Un nouveau sarouel. Un lit extra confort. Un palais dans le désert. Et si je me faisais installer un four à pain ? Lorsqu'il se ravise. Prudence, mon vieux, prudence. Si le magicien apprend que tu as réussi à t'échapper avec la lampe, tu risques de passer un sale quart d'heure. C'est décidé. Je ne réveillerai le génie que lorsque j'aurai besoin de remplir le frigo. Et ainsi passent plusieurs années. Un matin, très tôt, Aladdin est réveillé par le crieur public. Attention, attention! Sur ordre de Sa Majesté le Sultan, toutes les boutiques et les maisons doivent fermer leurs portes immédiatement. Sa fille va traverser la ville pour se rendre au bain et personne ne doit l'approcher. Ce genre de choses... Oh, ça énerve Aladdin. Non, mais pour qui ils se prennent au palais, franchement? Alors voilà, parce que mademoiselle la princesse va au bain, on devrait rester enfermé. Et ben, vous savez quoi? C'est ce qu'on va voir. Ni vu ni connu, il se faufile dans les ruelles jusqu'au hammam de la ville. Lorsque son regard croise celui de la princesse, c'est le coup de foudre. Il s'observe, émerveillé, un peu gêné, dans le silence. Puis, elle prend la parole. Je m'appelle Badroul Bouldour. À tes souhaits. Pardon, non, parce que je crois que j'ai pas bien entendu. Oh si, si, t'as bien entendu. C'est mes parents. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Il se revoit ainsi, plusieurs semaines. Leur amour grandit. Enfin, ils décident de se marier. Aladdin, on s'est promis de s'aimer pour toujours, mais on va peut-être trouver ça long, non? On verra bien. Et puis sinon, on restera amis. Super! Ah, et une dernière chose. Comme le veut cette stupide tradition, tu vas devoir demander ma main à mon père. Je te préviens, c'est un vieux schnock. Une seule chose l'intéresse, les pépettes. Il veut me marier à un prince plein aux as, alors surtout ne te laisse pas décourager. Aladdin ne dit rien, mais il rentre chez lui avec des cafards. Le cafard. Comment faire? Jamais le sultan n'acceptera que sa fille se marie avec moi. Évidemment, il pourrait demander au génie de le couvrir de richesses, mais primo, il n'a pas très envie de rentrer dans le jeu du sultan. Franchement, je vaux pas moins qu'un autre, même si je suis pauvre. Et deuxio, il risque d'attirer l'attention du magicien. Puis, il pense à Badroul Bouldour. Tant pis, je prends le risque. Aladdin frotte la lampe, le génie apparaît et le transforme en prince richement habillé, limite tape à l'œil. Ouais, enfin, c'est un peu ridicule les babouches d'or quand même. Bon, allez, au boulot. Ridicule ou pas, Aladdin réussit à charmer le sultan qui accepte sa demande en mariage. Au même moment, dans son palais africain, Mazir fait un nouveau rêve. Quoi ? Le vaurien a réussi à s'échapper de sa grotte ? Comment a-t-il fait ? L'anneau magique ! Quel idiot ! J'ai oublié de lui reprendre ! Et purée ! Et d'où vient tout cet or que je vois autour de lui ? La lampe ! Il a réussi à réveiller le génie ! Le magicien, hors de lui, traverse les continents et les océans à toute vitesse. Attention, ça va chauffer ! Grâce à un tour de magie spectaculaire. Non, plus spectaculaire. Mazir arrive à récupérer la lampe magique, puis il fait déplacer Badroul Bouldour et son palais en Afrique. Aladdin est désespéré. Va-t-il se laisser faire? Oh non, sûrement pas. Certes, il n'a plus la lampe, mais il lui reste le génie de l'anneau. Ah, tout à coup, on se souvient que j'existe, l'or. Non, là, franchement, c'est pas trop le moment, hein. Il faut aider Aladdin. Ok, ok. Immédiatement, Le génie transporte Aladdin auprès de Badroul Buldur. Lorsque la princesse l'aperçoit, elle n'en croit pas ses yeux. Aladdin ! Oh, je te raconte pas, c'est l'enfer ici. Mais bref, j'ai un plan. Il se vend en ville une poudre mortelle, file l'acheter, je me débrouillerai pour la faire boire à ce vieux rabougri. Aladdin soupire de soulagement. Pétard, elle assure. Pense-t-il en courant, plus amoureux que jamais. Les affaires s'arrangent enfin pour nos deux camarades. Mazir boit la poudre et tombe, raide mort sur le carreau. Bon débarras, vieux rat. Puis, ils rentrent, là-bas, dans leur grand royaume, aux portes de la Chine. Aladdin et Badroul Buldur rient, et dans leurs yeux brûlent 1000 feux merveilleux qui valent toutes les lampes magiques du monde. Derrière cet épisode des Mille et une Nuits, il y a Anne-Sophie Ladonne, Fanny Leroy, Benjamin Orgeret et moi, Laure, Grand Besançon. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.